Parmi les cinq poèmes que j'ai retenus du poète symboliste Albert Samain, il les a écrits entre 1893 et 1901, les trois premiers sont tirés du recueil intitulé « Au jardin de l'infante ». L'infante étant le titre donné à la fille aînée d'un roi en Espagne.